l'imagination conforme aux règles de la raison. De me réfugier dans ces victoires comme dans ces victoires, comme une source d'eau rassasiée sans cesse. Sans cesse.